Et à présent, le retour d'un duo qui réjouissait particulièrement Cabu, un couple de médecins qui va apparaître pour la première fois en public ici au studio Charles Trenet de la Maison de la Radio. Voici les docteurs Margaret et Philippe de Beaulieu. La séquence à votre écoute, coûte que coûte. Voici. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana, in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Bonjour Marga. Bonjour Philippe. Docteur. Tout d'abord, bonne année à toutes et à tous. Bonne année, bonne santé et la main sur le porte-monnaie. Une année débutée auprès de mon papy Klaus qui fête ses 104 ans, 104 ans et toutes ses dents, enfin toutes ses dents. Dans la belle ville de Buenos Aires. Et oui, comme quoi, les épreuves, ça conserve. Ah, Buenos Aires, capitale du tango, du Chili con carne et de l'Argentine, bien sûr. Buenos Aires, terre d'accueil de toute la diaspora germanique aux heures les plus sombres de notre histoire. Peuple banni, peuple sans terre, mais peuple accueilli chaleureusement à bras ouverts par les indigènes, enfin, les locaux, hein, puisqu'on ne peut plus rien dire, et peut-être même encore mieux accueillis qu'un autre peuple soi-disant plus élu que les autres dans des contrées reculées d'Arabie. Enfin, je dis ça, je dis rien. Enfin, c'est une expression, puisque je ne peux pas dire que je ne l'ai pas dit, puisque je l'ai dit, et qu'il est encore plus difficile à la radio de prétendre ne l'avoir pas dit, alors que tout le monde l'a entendu, et peut le réécouter en balado-diffusion ou autre post-cat. Un début d'année toutefois, cher Philippe, qui n'a pas démarré sous les meilleurs auspices. En effet, passer du soleil argentin à la grisaille parisienne, ça met le moral dans les godillots. En tout cas, j'espère que notre auditeur va ramener le soleil dans nos studios. Pas sûr, non. Ah bon, bon, bah dis donc. Bonjour d'abord, qui êtes-vous alors, monsieur le grincheux? Je suis Charlie. Bonjour Charlie. Et d'où nous appelez-vous, Charlie? De Paris. Ah, Paris. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Charlie? Non, je m'appelle pas Charlie. D'accord. Alors, comment vous appelez-vous, Charlie? Non, mais aujourd'hui, on est beaucoup à s'appeler Charlie. Ouais. D'accord. Alors, depuis quand vous prenez-vous pour Charlie, monsieur? Je ne me prends pas pour Charlie, je dis juste je suis Charlie depuis ce qui s'est passé. De? Bah, par rapport à ce qui s'est passé à Paris. Quand? La semaine dernière. Est-ce que vous portez un chapeau melon, une moustache et une canne en bambou? Quoi? Très bien, vous n'êtes donc pas Charlie Chaplin. Non mais vous savez pas ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de très grave. Mmh. Il y a des terroristes qui se réclament de l'islam, qui ont tué des gens. Ah oui, bon bah ça. Ils ont tué des gens au nom de Dieu. Ah oui, non alors attendez, ça par contre c'est nouveau ça. Non c'est très grave d'ailleurs. D'habitude ils tuent au nom d'Allah. Oui, enfin Allah c'est le Dieu des musulmans. Ah, oui, d'accord, oui, dans ce sens-là, d'accord, oui, d'accord, donc, oui, bon. Oui, donc moi je me sens français, athée, musulman, juif, flic, et je suis Charlie. Ça fait beaucoup pour un seul homme, et c'est la psychothérapeute qui vous le dit. Est-ce que vous vous déplacez entouré de trois charmantes dames en pattes d'éléphant qui sentent la laque Elnett, L'Oréal, Garnier et Jacques Lesange? C'est pour le CSA. Quoi? Très bien, vous n'êtes donc pas Charlie et ces drôles de dames. Dites-moi, Charlie, qui n'est pas Charlie, les gendarmes ont-ils retrouvé les fauteurs de troubles? Non mais vous n'avez rien suivi en fait. Les terroristes ont oublié une carte d'identité dans une voiture. Ah, ouais. Alors ça c'est bizarre quand même. Ouais. Oui, tout le monde a été très surpris. Bah oui, c'est vrai que c'est étonnant. Carte d'identité française, on aurait plutôt pensé à un permis de séjour. Alors dites-moi Charlie, vous ne trouveriez pas et bien que justement le conseil du culte musulman devrait condamner haut et fort ce genre d'actes terroristes. Oui, ben ils l'ont fait. Ah. Et ils demandent qu'on évite les amalgames. Oui, alors écoutez monsieur, je pense pas qu'ils soient en position d'exiger quoi que ce soit. Mais c'est comme ça qu'on pourra combattre l'intégrisme et empêcher des fous de tuer au nom de Dieu. Au nom d'Allah. Et non, c'est juste pour que nos auditeurs savent bien quand on parle des gentils et quand on parle des méchants. Quel méchant ? Avez-vous une grosse tête, un imaginaire hors norme et un chien nommé Snoopy ? Quoi ? Ouais, vous n'êtes pas Charlie Brown. Charlie Brown, je le rappelle, un enfant hydrocéphale abandonné par sa mère, Eva Brown. Allô ? Allô ? Excusez-moi, je vous suis pas bien. Oui, bah on est deux, Charlie, pas Charlie. Enfin, je suis bouleversé qu'on puisse tirer sur des dessinateurs parce qu'ils ont représenté le prophète. Ah oui, non, ça c'est pas bien, on tue pas des gens qui dessinent. Ah oui, bah non, c'est comme si on avait tué Hitler juste parce qu'il aimait peindre. Je vois pas le rapport. Ah bon ? Oui, bah en attendant, Christine Boutin n'a tué personne, elle. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ah, ben si, je l'ai dit, bravo. Oui, alors attendez, Charlie, d'ailleurs, ça vient d'où le fait de ne pas pouvoir représenter Qui ça ? Mahomet ? Ah bah bravo ! Ah bah voilà, bah là c'est pas nous. Hein. Non mais les musulmans ont le droit de dire le nom de Mahomet. Hein. Ah, Jésus, Bouddha, Krishna, c'est pour le CSA. Et Raël. Qu'on embrasse. En fait, j'appelais pour rendre hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo et contre l'épicerie cachère, c'est tout. C'est quoi ça ? Bah si, tu sais, c'est pour les gens qui veulent pas manger comme nous là. Mais enfin, il y a eu 4 morts dans une épicerie cachère. Ah oui, d'accord. Oui, ah oui, mais alors du coup, c'était des juifs. Voilà, oui. Ça, c'est parce qu'on a plus l'habitude du... Comment ça ? Non, pas l'habitude. Ah, oh, attends, pas l'habitude. Non, bah non, c'est triste, vous voyez. Non, on peut pas s'habituer, de toute façon. Mais je veux juste te dire que c'est plus l'habitude. C'est atroce de dire ça. Vous avez entendu le discours de Manuel Valls ? Philippe Valls. Hein ? Non, c'est son frère, il est ministre. Ah oui, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il a dit Faut pas qu'en France, les musulmans aient honte de ce qui s'est passé. Oui, ben non, il faut pas avoir honte, c'est très mal. Et il faut plus que les juifs aient peur. Ah oui, car la peur n'éloigne pas le danger. Quoi ? La peur n'éloigne pas le danger. Oui, c'est bizarre de dire ça. Hein. Ah, ben dis donc, faut faire attention aux mots qu'on emploie. Hein. Ben oui. Oui, ben dis donc, héros. Ils sont peut-être pas le mieux placés pour nous donner des leçons de quel mot que j'emploie, quel mot qui est le bon. Mais il. Dis donc, enfin... ça va, on peut quand même... Dis donc, on est dans un pays libre, quoi, c'est dingue. Ben voilà. Mais c'est fou, écoute, on peut plus dialoguer, on n'est pas prêt de vivre en paix si on peut pas exprimer des idées, merde. Non mais voilà. Calme-toi, calme-toi, ma chérie, tu vas avoir une fatwa, et alors là, fais gaffe, fatwa. T'es mignon, t'essaies de me faire rigoler, mais je suis très émue parce que je suis révoltée par toute cette obscurité. Cet obscurantisme, mais ne te laisse pas atteindre par un lâche qui avance masqué et caché sous un pseudonyme. Hein. Eh bien, monsieur, nous ne sommes pas tous Charlie, nous sommes Philippe et Margaret. De Beaulieu. Voilà. Blanc dans les dents. Une citation avant de se quitter de Cabu, dessinateur pour enfants. Faire la guerre à son propre peuple, cela permet de rentrer tous les soirs chez soi. Et de t'y retrouver, ma chère Marga. Oui, sauf qu'on n'est pas en guerre. Hein ? Philippe, on n'est pas en guerre ? Et merci à Yann Chouquet qui a mis en onde cette émission. Merci à vous Margaret et Philippe de Beaulieu. Merci d'être revenu sur France Inter pour cette émission spéciale dédiée à Cabu.